Dieu riche en miséricorde, grand en amour et infiniment riche en grâce. Parole céleste. C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. La grâce a surabondé.